cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nakmil هذا الباب إن شاء الله تعالى المسح على الخفين. C'est un باب عظيم كما تعلمون لأنه سلي avec un شرط من شروط الصلاة الطهارة ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فمتخزي ces مسائل في الخفين c'est مهم. Ne pas dépasser les limites et le temps pour le muqim, pour le voyageur, tout ce qu'on a expliqué كذلك. Tout ça c'est مهم. حتى المسلم il est على بينة من أمره ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة على علم. On est arrivé à on a vu المسح على ظاهر الخفين. Et في الحقيقة à la fin il a recité le كيفية الشيخ كيفية المسح. أما الآن نكمل il a cité trois مسائل وفي الحقيقة تقدمت وبعضها تقدمت. قال الشيخ حفظه الله إذا أو هل يمسح على الخف المخرق أي خف ينطخو أو دي شوصة تخوي. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين. هذا الشرط فيه نظر إذا عندما ضع الشيخ بن عثيمين dans ses fatwas qu'on a l'an qui nous a l'al-khuffain page au fatwa numéro 4. So il a shaykh rahmatullah alayhi shaykh ibn Uthaymeen ma sihhat ma ashtaratahu ba'd al-fuqaha an yakuna satirayn li mahali al-fard. Est-ce que c'est un shart que al-khuff ou la chaussette tastur al-couvre mahali al-fard ay le pied mahali al-fard ma'rouf c'est le pied jusqu'au cheville ila ka'bay. قال شيخ ابن عثيمين هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه. C'est important. لماذا؟ لأن الآن ça va nous donner حكم المسألة. Ceux qui disent que c'est un شرط si elle est trouée tu peux pas faire le مسح لأن الشرط c'est qu'elle recouvre tout le pied. Ceux qui disent comme شيخ ابن عثيمين c'est le قول الصحيح أنه c'est pas un شرط فيجوز. قال الشيخ ابن عثيمين لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق بلا شك كما سيأتي أن الخف في زمن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم avec le voyage avec le jihad avec la pauvreté de certains صحابي الشك أن بعضهم ils avaient des trous في الخفين مثل اليوم بعض المسلمين ils ont des trous dans leurs chaussettes. L'essentiel c'est que ça s'appelle خف أو chaussette جورب بالعربية. C'est ça l'essentiel. أما trou أو deux trous là لا يضر. قال لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق sans préciser il y a des trous ou il y a pas de trous. قال وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد. ça c'est une قاعده on l'a vu في الأصول. c'est un نص مطلق فلا يجوز لأحد يقيد هذا النص sauf si il y a un دليل. C'est une قاعدة مهمة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit l'alcool. كل مسكر حرام مطلق. لا يجوز لأحد يقيد دين. non mais sauf telle chose لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit المسكر مطلقا et il a appuyé par le وحي. Le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on respecte hada l'itlaq. Et si un taqid à faire, c'est bikalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bikalam illah. Amma anta tu qayyid la. Lanna ça ouvre un même char. Ma balouk anta. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ou il a interdit de se raser la barbe. Wahad il dit, mais sauf, ou à partir de tel âge ça commence, l'interdiction. Maintenant, à partir de 30 ans, 40 ans. À cette période, c'est interdit de se raser la barbe. Amma avant, il y a jouz. Là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit mutlaqan. Qui c'est qui t'a autorisé de qayyid avec cette période? C'est une qaïda muhimma fi d-din. Un al-mutlaq, il est mutlaq. Wa la yuqayyid al-mutlaq, c'est la généralité. Al-taqyid, c'est précisé. Enfin, cette précision, la bud takun mina al-shari'a. Imma dali min al-Qur'an, imma dali min al-sunnah. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a autorisé de d'essuyer, faire le masah, ala al-khuffain, mutlaqan. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais dit sauf les chaussettes trouées. Fait tout ce qui s'appelle chaussettes ou khuf, il y a juste le masah. C'est ça le qa'ida. قال وبناء على ذلك اولا avant de rentrer est-ce que c'est autorisé d'essuyer faire le masque une chaussette trouée ou خوف trouée il te cite اولا une مقدمه مهمه si tu as compris cette مقدمه hey, est-ce que c'est un شرط que le pied soit recouvert entier ام لا il t'a montré que c'est pas un شرط فبناء على ذلك قال وبناء على ذلك فانه يجوز المسح على الخف المخرق si tu as compris هذا فيجوز لان ceux qui disent لا يجوز c'est pas permis لماذا لان pour eux c'est une condition de couvrir tout le pied انت الان tu sais que c'est pas une condition لان النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé le masque على الخف sans citer cette condition l'essentiel c'est que ça s'appelle خف كذلك الى cité مثلا ويجوز المسح على الخف الخفيف لان بعض العلماء ils disent que le masque il est pour le خف الغير الخفيف اما الخفيف مثلا الان on a des chaussettes كذلك elles sont fines جدا يجوز المسح tant que ça recouvre le pied c'est une chose que tu portes يجوز اما mettre un short c'est pour telle épaisseur النبي صلى الله عليه وسلم il a pas cité tout ça que ça soit troué que ça soit fin que ça soit en tissu en coton autre يجوز المسح مطلقا tant que ça c'est une chose qui couvre le pied الجورب الخفيف والجورب الثقيل فلهذا قال شيخ العثيمين قال وانما يجوز المسح على الخف لان نزعه يشق ça c'est مهم ça c'est علت الرخصه النبي صلى الله عليه وسلم nous a autorisé هذا c'est pour ça que pour le voyageur c'est plus c'est 3 jours لان il y a une مشقه مشقه à enlever خاصه s'il fait froid même s'il fait pas froid il y a une مشقه à enlever à remettre فالنبي صلى الله عليه وسلم nous a autorisé هذا un jour pour le مقيم 3 jours pour le voyageur قال وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل صحيح il y a aucune différence entre الثقيل والخفيف que ça soit une chaussette qui est épaisse ou fine بل احيانا si elle est fine et elle colle au pied c'est plus dur احيانا de l'enlever ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم il y a aucune différence الحقيقة قال والمهم انه ما دام اسم الخف باقيا فان المسح عليه جائز c'est ça tant que ça s'appelle خف chaussette c'est جائز on revient à كلام الشيخ يحيى الان on a détaillé نحن cette base او ce شرط il est pas صحيح ça va donner حكم المسألة قال البغوي رحمة الله عليه في شرح السنة وشرط الخف الذي يجوز المسح عليه أن يستر الرجلين مع الكعبين on a dit c'est un قول مرجوح والراجح c'est قول كلا سيتي شيخ ابن عثيمين c'est que c'est pas un شرط قال فإن تخرق منه شيء في محاذاة المغسول بحيث ظهر منه شيء من الرجل واللفافة فاختلف أهل العلم فيه اختلاف اللي بازي pour rapport à ce شرط قال فذهب قوم الى انه لا يجوز المسح عليه وان كان شيئا قليلا وهو قول الشافعي لان الشافعي رحمه الله عليه pour lui c'est un شرط de couvrir que le خف couvre tout le pied si un trou il couvre plus une partie du pied لا مسح قال وذهب قوم الى جوازه هذا الصحيح قال وان تفاحش الخرق même si c'est un gros trou l'essentiel c'est que ça reste un خف اما s'il est coupé en deux Or, en plusieurs parties, tu n'arrives plus à le mettre là. Adamarouf. Lakin, si tu arrives à le mettre, voilà où il y a un trou, deux trous, trois trous, ou un gros trou, lakin, ça reste une chaussette, ça reste un khouf, là, bas. قال وإن تفاحش الخرق ما دام يثبت في الرجل هذا قال وبه قال مالك قلت أي شيخ يحيى والراجح ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه كقول أبي حنيفة ومالك contrairement au قول de l'imam الشافعي et c'est ça le savoir قال والقول الثاني لا يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي قوله خرق يسير أي un petit trou لكن si c'est un trou مثلا il manque la moitié de la chaussette ou أكثر c'est plus une chaussette tu peux plus la porter là لكن هنا il parle de trou يسير أي ça reste une chaussette ça reste un خوف هذا قال والقول الثاني لا يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد دونك الأئمة الأربعة اختلفوا عن في هذه المسألة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله ils sont d'avis que c'est permis le masque et c'est صحيح الإمام الشافعي والإمام أحمد ils sont d'avis que c'est pas permis في هذا الحال قال والقول الأول هو الراجح الشيخ الإسلام il a choisi قول الإمام مالك وقول أبو حنيفة قال كما هو المعروف والقول الأول هو الراجح فإن الرخصة عامة ولفظة الخف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه. مثلا خف il y a un trou, ça s'appelle toujours خف. Voilà aussi un trou. Et النبي صلى الله عليه وسلم il a montré أن المس على الخفين sans préciser. Donc الصواب كما قال شيخ ابن عثيمين c'est qu'on reste على هذا الإطلاق cette généralité. Voilà aussi un trou يجوز المس. قال يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون. Il y avait des فقراء كثير في الأنصار في المهاجرين معروف. الشكل مثل هؤلاء رضي الله عنهم ils avaient des trous dans leurs خفين لا شك. قال وكانوا يسافرون ربما يحصل لها هذا لا شك هذا. قال وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق. هذا سأقول قول شيخ الإسلام إلى أبي القول بهذا سأقول. قال والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنهم إصلاحه في السفر. صحيح. Est-ce que في هذا الحال on va dire là il enlève il fait plus le mas أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم il a voyagé avec الصحابة et ils étaient touchés par la pauvreté et ils ont fait le mas. قال فإن لم يجوز المس عليه لم يحصل مقصود الرخصة انتهى المراد. نعم لأن الرخصة c'est pour faciliter. ما بالك الآن si ولو un petit trou on doit enlever أين الرخصة elle est la facilité. Tu pourras plus faire le mas tu dois enlever ta chaussette même si t'es en safar et il y a المشقة. فقول شيخ الإسلام c'est الصحيح. قول الإمام مالك et قول أبي حنيفة c'est الصحيح في هذه المسألة. Et شيخ الإسلام il l'a choisi et il a renforcé avec cette qarina أن الصحابة ils étaient touchés par la pauvreté. Et شيخ يحيى حفظه الله il a choisi ce قول. فلهذا قال والراجح ما قال شيخ الإسلام. Donc هل يمسح على الخف المخرق؟ الجواب نعم. Tant que ça reste un خف, tant que ça reste une chaussette. أما une chaussette elle est coupée en deux, tu peux même plus la porter. Là, là, حد يقول tu la mets, tu t'emsah là. قال مسألة, une autre مسألة, الشيخ يذكر إذا لبس فوق الخف خفا. Ça c'est طيب كذلك, c'est une مسألة مهمة. Ça arrive هذا en période de froid. واحد met deux chaussettes ou plus. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة, c'est un كتاب نافع شرح السنة للبغوي. قال وإذا لبس فوق الخف خفا آخر فإن كان بصفة لو تفرد لم يجوز المس عليه فلا يجوز أن يمس عليه. Si cette chaussette tu la mets seule, لا يجوز المس عليها. فsi tu mets une deuxième, لا يجوز. S'il choisit le قول أن un trou dans la chaussette, tu peux pas faire le mas عليها. Si tu mets une deuxième ou qu'il y a pas de trou, لا يجوز. Tu dois enlever les deux. مفهوم؟ لأن هي regarde as la première. On répète. قال وإذا لبس فوق الخف خفا آخر فإن كان بصفة لو تفرد لم يجوز المس عليه فلا يجوز أن يمس عليه فوق الخف وإن كان بصفة لو تفرد يجوز المس عليه. مثلا une chaussette sans trou يجوز عند الجميع. Avec les trous الصحيح يجوز. فاختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى جواز المس وهو قول مالك. Donc t'as fait l'odo, t'as mis une paire de chaussettes, t'as fait le mess, et après avoir perdu l'eau d'eau, il a fait comme on l'a expliqué, Thomas t'as mis une deuxième. T'as mis la première, t'as fait le mess. T'as mis une deuxième. Est-ce que Yajouz, tu fais le mess à la deuxième, ou t'es obligé d'enlever et refaire sur la première? هذا الآن الخلاف. قال فاختلف أهل العلم فيه فذهب أكثرهم إلى جواز المس وهو قول مالك وأصحاب الرأي. قال ولم يجوز بعضهم وهو أظهر قولي الشافعي رحمه الله. Donc خلاف بين أهل العلم. قال قلت أي شيخ يحيى إذا أدخل قدميه بعد تطهيرهما في خف. Donc il a fait l'eau d'eau. Après avoir fini l'eau d'eau, il a lavé ses pieds, il enfile الخفين أو des chaussettes. قال ثم أتبعه بالآخر فوق. ثم il met une deuxième paire de chaussettes. Donc il a fait l'eau d'eau, il est à la tahara, il met une paire de chaussettes, il met une deuxième. قال فشأنه شأن خف واحد يمس على الأعلى منهما وكفى. C'est الصواب لأن لا يوجد أي فرق. Et lui s'il a mis deux paires il a une hadja. Et rukhsa que ça soit une paire, deux paires ou trois paires elle englobe le tout. Donc في هذا الحال si tu as deux paires tu fais le masah sur la deuxième paire. Tu n'enlèves pas la deuxième paire et tu fais le masah sur la première. Là. قال أما إن لم يدخل الخف الأعلى إلا بعد أن انتقض وضوءه فإذا أراد المسح ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل الذي أدخل رجليه فيه على طهارة والله أعلم. Premier cas donc, on résume, il a fait l'eau d'eau et il a enfilé les deux paires de chaussettes à la tahara. Il fait le mesh sur la deuxième paire. Léanna, il les a enfilés à la tahara. Et on a vu que c'était un short. Deuxième cas, hein, il a enfilé une première paire à la tahara. Thumma, il perd le dos. Il a enfilé une deuxième paire. Si هذا الحال, il ne peut pas faire le mesh sur la deuxième. Limada. أحسنت لأن من شروط المسح سينفلي الخف أو الأشوسات على الطهارة إلى زنفلي على غير الطهارة مفهوم؟ هذا هو الشرط à respecter. Ça nous emmène هذا vers une autre مسألة qu'on n'a pas cité في الحقيقة شو معتمين لا cité وهي مسألة النية لأن أحيانا أنت تمي الأشوسات تبقى النية تفعل المسح فهل يجزي؟ Question numéro 6. Les fatwa sur Ma'taymin, question numéro 6. Elle est muhimma, en fait, on aurait dû la citer au début. Lakin, nasina. Surat al-Masala, elle est wadiha. Maintenant, t'as mis des chaussettes, t'as fait l'eau après le fajr, t'es à la tahara, Thumma, tu veux sortir, tu mets des chaussettes. Anta, t'as pas nié de mettre les chaussettes pour faire le masjid. Là, tu mets des chaussettes, c'est une habitude. L'heure du dhuhr, elle arrive, tu veux faire l'eau d'eau, t'as plus l'eau d'eau. Est-ce que tu fais le masjid? أو تنلف الشوسات تقول لا جاب با النية إنما الأعمال بالنية قال الشيخ هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أي الجوارب ينوي أنه سيمس عليهما المهم اسكمل النية أم لا قال الشيخ الجواب النية هنا غير واجبة لأن هذا عمل علق أو علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى النية. Il n'y a pas besoin de niya fi hadha al-hal. Léanna, c'est une chose que tu fais adatan, et le hukm, il est par rapport à cette chose si tu l'apportes. Si tu l'apportes, il y a jouz lak. Ou alors tu n'as pas mis de niya. Qala kama, law labisa thawb, fa innahu la yushtarata yanwi bihi sitra awrati fi salati. Tamam. Alors que c'est un shart fi salat. Fa la yushtarat fi libs al-khuffain an yanwi annahu sayamsa alayhima. Wa la kadhalik niyat al-mudda. Matalan, t'as fait l'odo, t'enfiles tes chaussettes, khalas, la prochaine fois que tu perds l'odo, il y a juz le masih. Un jour moukrim, trois jours voyageur. Qadar Allah, tu voyages le soir, tu ne savais pas. On revient à la mas'ala, tu passes en voyage, qu'on a vu auparavant. Fiat al-hal, tu fais le masih. Ou là où tu n'avais pas la niya de voyager. Là, yuqal, mais moi j'avais porté les chaussettes en étant moukrim, je ne savais pas que j'allais voyager, enfin je ne peux pas faire le masih trois jours. Là. Qala, bel, ou là, kadalik niya al-mudda. Bel, an, bel man. Il y a une erreur, ils ont mis an, c'est man. Bel man kana musafiran falahu thalathata ayyam nawaha am lam yanwiha am lam yanwiha wa in kana muqiman falahu yawm wa layla nawaha am lam yanwiha. Tamam. Kalam sur Ma'taymin, il est jamil huna. Donc, an-niyya, c'est pas un shart. Et en haqiqa, le kalam qu'on avait lu, ils n'ont pas cité shart an-niyya. Vous vous rappelez au début les 4 shorot, ils n'ont pas cité niya. Il y en a fi hadha al-hal, là. Niya, il n'y a pas de niya fi hadha al-hal. Et l'exemple fi salat avec thawb, il est jamil. Idha labisa fawq al-khuf khuffan, c'est par rapport à s'il les a mis à la tahara. Si il a enfilé deux chaussettes ou plus à la tahara, il fait le mesh sur la dernière paire de chaussettes, celle qui est au-dessus. Si il a mis la première à la tahara, Thomas il a perdu l'eau d'eau, Thomas il enfile une deuxième, là, il ne peut pas. Il y en a min shart al-mas ala al-khuffain ou ala al-jawarib, an tulbas ala tahara. C'est ça, khulasat al-qaw. Qala, une autre mas'ala, man naza'a khuffayhi ba'da al-mas alayhima, hal yantaqid wudu'uh? Taqaddam ma'ana hala. As-sahih annahu la yantaqid al-wudu'. Qala, dhakara ibn al-munzir fil awsat al-khilaf. فذكر القائلين بإعادة الوضوء النخعي والزهري والأوزاعي وأحمد وقال آخرون لا يعيد وضوءه وإنما يغسل قدميه فقط. بعضهم يديز تغفل وضوء أنتي بعضهم يديز لا تلاف كل بي سي تنفي تي شوسيت أو الخفين. وقال آخرون إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء ولا غسل قدم. إيه سيسا القول الصحيح أنه في الصلاة tant qu'il est à la wudu. Léanna, enlever les chaussettes ou le khuffain, c'est pas minna waqid al wudu. La dalil ala dhalik. Wa hadha al qawl al akhir nasarahu ibn Taymiyyah, kama fi majmou' al fatawa. Qal wa annahu bi manzilati ma yattasil bil badan min jild wa sha'r wa dhafr aw dhafr. Idha ihtaja al rajul li izalatihi azalahu wa lam yabtul taharatah. واحد في الوضوء il essuie sa tête. Il a fait le wudu, il a fini. Tom, il se rase les cheveux. Est-ce qu'on dit il doit refaire le wudu ou il doit se réessuyer la tête? هكذا مع الخفي. C'est la même chose. قلت أي الشيخ يحيى عبد الله وهذا هو الراجح لعدم ما يدل على انتقاد الوضوء بخلعه. فالأصل عدم النقض. Quand la tahara c'est une règle, c'est que tu es à la tahara sauf si un dalil qui montre que tu es plus à la tahara. Tu as dormi, il y a un dalil. T'as été aux toilettes, baoula ou ra'it, t'as un dalil. Amma khal' al-khuffayn ou al-jawarib, y'a aucun dalil. Fal asl c'est tahar. Donc, man naza'a khuffayn, ba'da al-maz'a alayhi ma'al yantaqid wudu'uh, al-sawab, wal-qawla al-rajih, c'est la yantaqid. Adhan, Cheikh Al-Utaymin, il est ala hada al-qawl. Question numéro 19. Ida tawadza'a al-insan, wa mas'a ala al-khuffayn. وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا إلى في المسح avant الظهر donc il a une journée et une nuit لكن avant العصر il est encore à la tahara il enlève le خفي السؤال فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقد بخلع الخفي est-ce que le fait qu'il enlève le خفي malgré qu'il est à la tahara il a le wudu il n'a pas perdu le wudu لكن le fait d'enlever est-ce que son wudu il est sahih il peut faire salat قال شيخ ابن عثيمين القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم قال أن الوضوء لا ينتقد بخلع الخف فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسعه فإن وضوءه لا ينتقد سأسأل قول الصواب قال وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته سيلا في المسح على الخف إلى على طهارة قال فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي إلى على طهارة بمقتضى دليل شرعي النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيه celui qui prétend qu'il est plus à la tahara en enlevant le khuffain il doit citer un dalil إما من القرآن إما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء على هذا فيكون وضوءه باقيا نعم هذا لا دليل donc ولو il enlève les chaussettes il enlève le خفين il fait الصلاة il est على وضوء هذا والله أعلم فتوى شيخ ابن تيمية واضحة بقي الدغنغ مسألة كلا ست الشيخ قال كيفية المسح على الخفين مرة واحدة أما العدد سمرة المسح على الخفين سأين فو شفت خوف قال ابن المنذر قال عبد الرزاق أرانا الثوري كيف المسح يغبط أن الثوري الإمام سفيان أبو عبد الله رحمة الله عليه Il leur a montré comment faire le masque. « Qala arana al-thawri kayfa al-masque. »« Fawada'a asabi'ahu ala muqaddam khuffay. » Il a mis ses doigts sur le bout des pieds, sur les orteils. « Wa farraja baynaha. » C'est ses doigts. Il a écarté ses doigts, hakada. « Qala thumma masaha hatta ata ala a'la asl al-saq. » Asl al-saq, c'est huna. Al-saq, c'est le tibia. Al-asl, ça va être... La fin du pied, le début du tibia. Donc, il a mis ses mains à Hakada et il est monté hatta huna, jusqu'au asl. Une fois. Qala wa laysa bidhalik sunnah tanus ala al-kayfiyya. La haqiqa na'am, il n'y a pas un hadith qui montre al-kayfiyya. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a écarté ses doigts, il a commencé par là. Il n'y a pas de nas ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال فكان الصواب في هذا ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه فيما نقله ابن المنذر من الأوسط قال كيف ما أتى بالمس على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه تفض نص من النبي صلى الله عليه وسلم ني من القرآن donc النبي صلى الله عليه وسلم on sait qu'il a fait le mas donc أنت tu fais le mas l'essentiel c'est que ça soit le dessus du pied tu fais pas en dessous تقدم معنا هذا on a ce nas عن علي رضي الله عنه أما غير ذلك on a pas Donc, tu fais le masque. Que ça soit avec une partie de la main, que ça soit, il manque un bout du pied, al-amr sahl. L'essentiel, tu fais à la zahir al-qadam, et inshallah yujzi. Ils ont demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen an al-kayfiyya, et il a détaillé akthar, rahmatullah alayh. Question numéro 13. Su'ila Cheikh Ibn Uthaymeen, هذا السؤال كثيرا ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح. Naam, sahih. Beaucoup de gens ils demandent comment et l'endroit. قال الشيخ ابن عثيمين كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط. C'est ça l'endroit. Le bout des orteils jusqu'à أصل الساق. Le début du tibia. قال يعني أن الذي يمسح هو أهل أعلى الخف. Donc, on ne fait pas l'asphal, on ne fait pas le ka'abayn, on ne fait pas le talon. Là, c'est ظاهر القدم فقط. Le dessus. Du bout des orteils jusqu'à أصل الساق. قال ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا. Cette kayfiyya elle est معروفه. Et il va appuyer لماذا? On n'a pas un nas واضح, لكن ce qui va citer c'est قول. قال ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen il dit tu fais le masah en même temps. La main droite et la main gauche sur le pied droit et sur le pied gauche en même temps. En un coup. قال يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان comme les oreilles. النبي صلى الله عليه وسلم il a essuyé ses oreilles, l'index droit et l'index gauche en même temps. قال لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه تقدم معنا. قال فمسح عليهما. صحيح. فمسح عليهما tu comprends. قال ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما. Et هذا ça renforce le Cheikh Ibn Uthaymeen. صحيح. Il a pas dit il a commencé par la main droite ou par le pied droit. Il a dit مسح عليهما les deux. Voilà, chacun tu peux comprendre il a fait en même temps. قال فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى لا يضر هذا. خاصة c'est une excuse. Il a qu'une main, il a pas de main gauche. Et il me sait à le pied droit, tout mal à le qadam, à le rédil al-yusra, là il dure. قال وكثير من الناس يمسح بكلا يدي على اليمنى وكلا يدي على اليسرى. هذا سي اوت شوز. قال هذا لا اصل له فيما اعلم. صحيح بعضهم la main droite et la main gauche, il essuie le pied droit avec les deux mains pour un pied. هذا لا. Là, la main droite c'est pour le pied droit et la main gauche c'est pour le pied gauche. اما les deux mains pour un pied comme ils font certains awam là. هذا لا اصل له. قال إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. هنا أثر سفيان الثوري رحمة الله عليه في الباب. فالكيفية هذه. Les deux mains, la main droite et la main gauche, et tu fais le masah en même temps. La main droite sur le pied gauche, sur le pied droit, et la main gauche sur le pied gauche, du bout des orteils jusqu'à أصل الساق. هذا والله أعلم. رسالة شيخ ابن عثيمين هذه هي مفيدة. Ces questions qu'ils ont rassemblées في المسح. ما شاء الله. إن شاء الله بهذا أنا فيني المسح على الخفين. يغسل مسألة النعال. إلا ستي هذه المسألة الشيخ محمد بن حزام وفقه الله في المسح على النعلين. النعلين سمثنى النعل. الجمع سي النعال. المعروف النعال في لغة العرب. للصندال. إلا ستي ست مسألة. Et en fait, les ulama ont débattu dans elle, un débat vaste. Il y a beaucoup d'aqwal, mais on résume nous ces aqwal inshallah. Qala page 210. Naam, hadith numéro 59. An Thawban radiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sariyatan fa amarahum an yamsahu ala al-asa'ib, yani al-ama'im wa at-tasakhin, yani al-khifaf. Tasakhin ça vient de التسخين, quelque chose qui chauffe. ما يسخن به القدم كما قال الخطاب. Ça englobe, ça c'est un délit, ça englobe الجوارب. C'est pas khas بالخفين. الخفين ou ce qui prend la place de الخفين comme les chaussettes à notre époque. لأن le but c'est de réchauffer les pieds. Donc حديث ثوبان il englobe هذا. ثم إلى cité مسألة المزع على النعلي page 210 قلنا قال الإمام أحمد في مسنده عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم قال أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشرب قائما قال فأخذه فشرب قال وهو قائم ثم توضأ وضوءا خفيفا ومسح على نعليه هذا الشاهد ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث الحدث الأكبر أما الحدث الأصغر نعم يشرع المسح أما الأكبر من الجنابة لابد من الغسل. Il n'y a pas de masah في هذا الحال on l'a vu. Thomas, il a cité un hadith sahih. Tout à la fin, en bas de la page, قال استدل بهذين الحديثين على جواز المس على النعلين وهو فعل علي وابن عمر رضي الله عنهم وقال به الأوزاعي وابن حزم ورجحه العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة حتى ما مزوجو الشيخ الألباني إلى دمتخل أن الراجح مشروعية المس على النعلين قال وهو قول شيخ الإسلام قال وذهب الجمهور إلى عدم جواز المس على النعلين لعدم ورود دليل صحيح صريح يدل على المس على النعلين الجمهور la plupart ils ont dit لا يمس على النعلين لأنه يبقى الدليل على هذا قال الحافظ في الفتح واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرق حتى تبدو القدمان أن المس لا يجزي عليهما استإجماع في نظر on a vu الخلاف في هذه المسألة قال فكذلك النعلان لأنهما لا يغيبان القدمين on a vu que c'était pas un شرط هذا قال الحافظ وهو استدلال صحيح ولكن منازع في نقل الإجماع المذكور نعم on a vu qu'il y avait un خلاف donc بعض العلماء ils disent c'est مشروع بعض العلماء ils disent c'est pas مشروع et ils ont répondu ceux qui disent que c'est pas مشروع ils ont répondu عن أثر حديث علي رضي الله عنه avec des أجوبة il les a cités قال وهو من أقوى التوجيهات والصحيح قول الجمهور والله أعلم. donc شيخ ابن حزام يشوازي قول الجمهور أنه لا يمسح على النعلين. في الحقيقة قول شيخ الألباني لقوي. donc مسألة لخلافية. et celui qui fait le masah لا ينكر عليه على النعلين. et les claquettes الآن qu'on porte nous الآن qui les enlève très facilement. il y a aucune mashaqqa. Celui qui dit le ghasl l'aqrab, son qawl, il n'est pas ba'id. Et celui qui fait le mas, ala yunkar alayh. Lakin fi hadha al-hal, pour s'écarter du khilaf, et très simplement, tu les enlèves et tu fais le ghasl, inshallah, c'est ahsan. Si tu portes des chaussettes, tu fais le mas, ala al-jawarib, la ishkal. Al-hida, les baskets, ils ont demandé à Sheikh al-Fawzan, soit il a Sheikh al-Fawzan, hal yajouz. Ils lui ont demandé le mas, ala al-hida, al-askari. Les chaussures de militaires, elles montent haut et elles sont attachées, c'est dur à Ali, elle mashaqqa jiddan à les enlever. Ils ont demandé à Sheikh Al-Fawzan, قال حفظه الله ويجوز المس عليه في الوضوء اذا كان ساترا سترا كاملا للرجل. Ça c'est le قول, ceux qui disent il faut que ça englobe tout le pied. On avait vu que c'était pas un shart aslan. Donc هذا نعم طيب. Les chaussures montantes et une mashaqqa, tu fais le mas. C'est ça le khulasa wallahu a'lam. هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى بخصيصه هو لأن الشيخ محمد إلى سيته سنقول أنه إلى دافية فعل المسح سوغ النعلين لكن إلى ضابط هو ضابط أنه سي المشقة سي المشقة على زنفية في المسح سي أباد مشقة في بالمسح هذا سنقول طيب سنقول طيب لأنه إلى علق الحكم تغبغ عن علة يسر مشقة يسر طيب إلى دوني سيكوى الضابط Si pour enlever le na'l, tu es obligé de forcer avec ta main ou avec ton pied, il y a une mashaqqa, tu fais le même. Si tu les enlèves très simplement, comme c'est claquette l'an, un simple mouvement, tu les enlèves. Sans toucher avec ta main ou ton autre pied. Fafi hadha al-hal, celui qui fait le ghasl et il ne fait pas le mesh, c'est inshallah, c'est aqrab. Hada, wallahu a'lam. Et là, chaque qui manque des choses. Lakin, ce qu'on a cité, inshallah, fihi kifaya, dans ses doros, fi al-mas' ala al-khuffay. Et ce qui prend la place des khuffain, comme les chaussettes, les baskets, les sandales, etc. Nasallahu subhanahu wa ta'ala, an yuthabbitana ala al-haq, wa sallallahu sallam ala abina Muhammad, wa alhamdulillah.